tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour. Eh bien, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2 pour les Lorrains, ou sur le net pour les autres Européens. Yves à la technique, assisté aujourd'hui de Cazé. Alors Cazé, c'est une toute jeune technicienne. Elle a 8 ans, 8 ans et demi. Elle est en CE2 et on va la trouver aux manettes sous l'œil bienveillant et attentif de Yves. Alors, bah, écoute, Cazette, tu nous fais une belle émission technique, ok? D'accord? Oui, elle me fait signe de la tête. Hein. Elle m'a dit, surtout, tu ne me fais pas parler dans le micro. Alors, elle ne parlera pas dans le micro. La programmation d'aujourd'hui, elle comprend du zouk antillais, un voyage musical à la Jamaïque, 3 coups de chapeau acquis à Bob Marley, et une promenade autour des ingrédients utilisés dans la préparation des sauces de salade. Allez, place au zouk, le zouk de l'année 2000, toujours plus faux, Kassav. Ou pe menti menti ou me lache ou ka de pale ou sa, ou pe pa fe wè. C'est du fait qu'à briller tes tout qu'à tourner fort, moi t'as là où certain, c'est ça, c'est lui ou qu'à ouais. Toujours plus fort, c'est ça ou l'est. Toujours plus fort, c'est ça ou l'est. C'est pas la peine, c'est refait derrière où j'accarrelle. En tellement content, on dit. Tant pis si demain tout s'approche, mais ça arrive et loin. Yeah. La Jamaïque, eh bien, c'est une île de la mer des Caraïbes, située au sud de Cuba et à l'ouest de l'île d'Hispaniola, territoire d'Haïti et de la République dominicaine. Initialement peuplée par les indigènes Arawaks et Taïnos, l'île est passée sous contrôle espagnol à la suite de l'arrivée de Christophe Colomb, et ça c'était en 1494. Possession espagnole jusqu'à 1655, puis conquise par l'Angleterre, l'île obtint son indépendance en 1962, mais reste néanmoins une monarchie constitutionnelle et soumise à la reine Élisabeth II. Une superficie de 11 500 km², ce qui équivaut à la surface des départements de la Meurthe et Moselle plus les Vosges réunis, et tout ça pour 3 millions d'habitants. La capitale, Kingston, 500 000 habitants. Autre ville importante, Spanish Town. Alors tiens, je vais le traduire, ça veut dire ville espagnole. Ah ben, tu vois. 145 000 habitants, Portmore, 103 000, et Montego Bay, une ville de touristes, 82 000 habitants. Une topographie luxuriante, faite de monts, de forêts et de plages, bordée de récifs, et les villes importantes sont néanmoins essentiellement réparties sur la côte. Et on y parle anglais, alors vous entendrez beaucoup d'anglais aujourd'hui, et beaucoup de reggae. Alors, pour commencer, Dreamland, Bunny Wailer. Premier coup de chapeau à Bob Marley. Bob Marley, il est né en 1945 à la Jamaïque et il est décédé à l'âge de 36 ans en 1981. Auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien de musique jamaïcaine. Il a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tenait tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Bob Marley, il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Could you be love, Bob Marley. Promenade autour des ingrédients utilisés pour les sauces de salade. Ah ben, oui, pourquoi ce sujet-là? Vous comprendrez à la fin de l'émission. Allez, c'est noir et blanc, c'est poivre et sel, c'est ce que l'on gagne dans le temps. C'est le désir de croire au ciel et ce qu'on a semé dans le vent. C'est ce qu'on donne parce qu'un jour on l'a reçu. C'est ce que tu donnes à ton fils, poivre et sel, Marc Cézania. C'est noir et blanc, c'est poivre et sel. C'est ce qu'on gagne dans le temps. C'est ce désir de croire au ciel. C'est ce qu'on sème dans le vent. Ce que l'on donne parce qu'on l'a. Quand on l'a un jour reçu, c'est ce que tu donnes à nos fils. C'est dans tes mains, nous on l'a vu. Prendre le cap et le garder dans les jours et les années. Prendre le cap au sémaphore et même face au vent du nord. Et ces senteurs, tous les épices, ces endroits loin de tes repères. Mais ceux d'ici avant Ulysse ont toujours traversé les mers. C'est savoir toujours d'où tu viens et nous suivre bien plus loin les nuits à refaire le monde et parvenir à l'habiter. Prendre le cap et le garder dans les jours et les années. Prendre le cap au sémaphore et même face au vent du nord. C'est ce corps droit, ce cœur fidèle à ceux qui partagent tes jours. C'est cette langue fière et belle, cette île et tout ce bleu autour. Et puis veiller sur ta famille, loin des semblants, tout ce qui brille comme quand il jetait ses filets, fier de le faire et continuer. Prendre le cap et le garder dans les jours et les années. Prendre le cap au sémaphore et même face au vent du nord. C'est maintenant, c'est 50 ans, ce qui nous lie plus que le sang. C'est marcher, avancer encore et revenir au même port. On est bien, peinard, on se détend, tout va bien. Que faire à la Jamaïque? Bien sûr, il y a les plages, et notamment celle des stations balnéaires regroupées de Montego Bay. Mais ce serait dommage de partir à 6000 km de chez soi pour ne pratiquer que le farniente. Ainsi, nous vous suggérons quelques activités originales. Et ça, c'est finalement ce que m'a dit Yves et Fabienne à la radio quand ils m'ont dépêché pour aller à la Jamaïque pendant ces 2 mois pour préparer cette émission. Oui, j'ai fait autre chose. Vivre l'aventure tropicale à Mystic Mountain, un télésiège permettant de monter à 215 mètres au-dessus de la mer à travers une longue ascension dans la forêt tropicale. Ambiance exotique et vue à 360 degrés assurée, joli panorama et en prime, alors là c'est assez inattendu, un musée dédié à bobsleigh jamaïcain, avec l'observation de colibris, c'est des petits oiseaux, tout petits. Puis réaliser un safari sur la Black River, fleuve réputé pour ses crocodiles. Oh, c'est le plus long fleuve de la Jamaïque. Balade en bateau dans les paysages combinant végétation luxuriante, marécage, champs de canne à sucre, montagnes et mangroves. On y voit des oiseaux dans leur environnement, des grues, des hérons, des aigrettes, des martins pêcheurs. Mais l'intérêt est surtout d'y rencontrer des crocodiles, les plus grands mesurant jusqu'à 5 mètres, habitués à l'homme, ils s'approchent parfois des bateaux pour y être nourris, voire caressés. Il faut vouloir. Hein. Oui, non, Yves, ça vous dirait non. Hein. Casé non plus, si. Oui, Xavier, lui, il a déjà fait l'expérience, mais le crocodile qu'il avait sur les genoux était tout petit à l'époque. Il n'y a pas que ça. Il grimpait dans les dunes River Falls, cette chute d'eau, une rivière qui se jette dans la mer au travers d'une succession de cascades en terrasse. Le must consiste à grimper ces chutes, c'est-à-dire qu'on va à l'inverse du courant d'eau. Cascades tumultueuses et piscines naturelles s'enchaînent sur un parcours de 180 mètres de dénivelé. Un courant fort, des roches glissantes, il faut savoir où passer. Alors, on prend un guide dans ces cas-là et on se donne la main par sécurité. Et puis, du bambou rafting sur la rivière Martabray, un radeau à deux places sur lequel on prendra le temps d'observer la faune et la flore, papillons et libellules accompagnent le voyage et au passage, on découvre les mangues, les kiwis, les bananes, les orchidées, des flamboyants sont des arbustes avec des couleurs extraordinaires, des bambous, du manioc, des papayes, il paraît qu'il faut dire maintenant des papayes. Toujours. C'est la goyave qu'il faut dire. Goyave, je ne sais plus. Ainsi que de petits perroquets, si c'est un jour de chance. Allez, People, Funny Boy, Lee Scratch. Deuxième coup de chapeau à Bob Marley. D'abord adepte du ska, Bob Marley rejoignit en 1966 le mouvement Rastafari avec, il faut bien le dire, peu de succès. Et c'est en 1973 qu'il se fit connaître en Europe avec les albums Catch a Fire et Boomin, et en 1975 avec Live qui comprend le titre No Woman, No Cry. En 1976, sa carrière internationale est définitivement lancée. Par sa musique engagée et sa culture Rastafari, il devient une sorte d'emblème, ce qui ne plaît pas à tout le monde, et il est victime, avec son groupe The Wailers, d'une fusillade à Kingston. En 1977, il se voit diagnostiquer un mélanome et 3 ans après, son cancer s'est généralisé. Il continue néanmoins la scène jusqu'à son décès en 1981, honoré de funérailles nationales. Is This Love, Bob Marley. Continuons notre promenade en chanson autour des ingrédients utilisés dans les sauces de salade. Et là, c'est une chanson de 1965 évoquant un fameux pique-nique accompagné de quelques cornichons. En fait, cette chanson est une synthèse, c'est vraiment un truc particulier, entre deux morceaux plus anciens. Les couplets reprennent la base mélodique de pique-nique, tandis que les refrains sont construits à partir de Soul Bossa Nova de Quincy Jones. Alors, plagiat ou pas plagiat, les cornichons Nino Ferrer. Ba-da-da-da. En Jamaïque. Ah, vous aimez les épices ? Ah ben c'est pour vous. La sensation de la bouche en feu. Ah, bienvenue en Jamaïque, la patrie adoptive des piments les plus forts. Alors on va manger du jack chicken. C'est le plat national. Il s'agit d'une grillade en pile sur un lit de piment. Cela consiste à fumer de la viande lentement, une viande fourrée de piment, et enduite d'une marinade très épicée avec du poivre de la Jamaïque. Et elle inclut aussi des ails, oignons, gingembre, muscade, clou de girofle et cannelle. Alors, jerk chicken, ok, mais se prépare aussi donc avec du poulet, ça c'est contenu dans le titre, mais aussi avec du porc, des saucisses, du bœuf, de l'agneau, du poisson et des crustacés. Le curry goat. Ah, ça c'est avec la viande de cabri, la viande de chèvre. Attention, la viande est débitée en morceaux au hachoir, os inclus. Alors faites attention, ne vous cassez pas une dent sur un éclat. Aki and saltfish. Fish, c'est le poisson. De la morue avec des tomates, des oignons. Un aki, un cousin du litchi. On mange ce plat avec le fruit de l'arbre à pain et on le mange grillé. Le rondon, ben ça c'est un plat de poisson également et de légumes longuement mijotés dans du lait de coco et on peut y inclure des pieds et des queues de bœuf ainsi que des haricots rouges. Le kalalo, un légume qui rappelle les épinards et qui se mange en fricassé avec des oignons émincés ou encore en soupe mêlée à de l'igname. Voilà. Et si vous êtes un peu... ben, ça vous détendra, vous voyez ce que je veux dire. Les patties, sorte de chaussons frais et épicés, fourrés à tout. Puis côté dessert, le pain de banane, les tartes au coco et les incontournables porridge. En boisson, à une coco bien fraîche ou un jus de canne à sucre. Ben, il y a aussi le rhum qui titre à 63 degrés à consommer avec modération, bien entendu. Et puis les Jamaïcains sont très fiers de leur café. Ah oui. Seulement à 50 euros le kilo de café, est-ce que son prix est vraiment justifié? Allez, Youssman, Ina de Yard et Mitton. Troisième coup de chapeau à Bob Marley. Décédé en 1981, Bob Marley a laissé derrière lui 11 enfants, dont certains font aujourd'hui de la musique. Alors, lui succède à Bob Marley des disques posthumes et des compilations reprenant 350 morceaux qu'il avait enregistrés entre 1963 et 1972. Ah ben, une chanson qui m'a inspiré beaucoup, dans la mesure où j'ai peint un tableau qui s'appelle Reggae, et le tracé de ce tableau a été obtenu tout au long du morceau No Woman No Cry, Bob Marley. No woman, no cry. Et nous poursuivons notre balade avec les ingrédients qu'on met dans la salade. Là, vous n'avez toujours pas compris pourquoi, hein, mais vous allez comprendre bientôt. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cet artiste magnifique, aux yeux tout illuminés, plissant de bonheur, lorsqu'elle dévoile sa poésie fleurie d'argot, d'acide et de gros mots, fan de ses rimes, de son humour, de sa musique et de son accent franc-comtois, à couper au couteau, mais surtout de sa liberté, paie ton vinaigre, Maggie Ball. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes, alors qu'au temps de Charlie Chaplin, c'était les formes qui étaient chouettes. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sur quel bourrelet danser. Il faudrait pour se promener nu, vivre une vie allégée. Il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Il faut bouger, faut pas fumer. En fait, il faut pas vivre tout court. Dans le punch, il y avait les fruits. Il manquait juste les légumes. Du coup, j'ai bouffé papy, l'avait pas bougé. On s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel, la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors vos régimes de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus, les White Watchers avec ses poings. Il peut bien se les caler, Paraît que la paire fait grossir, qu'on boit beaucoup trop de calories, qu'il faut penser à réfléchir à une solution pour maigrir. Ben, j'en ai une qui pourra nous rendre plus maigres. On va même dépenser moins de thunes. Ce soir, c'est cuite. Vinaigre blanc pour la semaine, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Et on se lâche le week-end en s'ouvrant un petit balsamique. Et la surprise de fin de soirée qu'on garde pour les grandes occasions. Comme c'est la fête, on peut péter le vinaigre de framboise. On s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel, la bouffe, ben c'est la vie. Tant pis si ça dépasse, alors mon régime de mannequin. Tu vois, je m'assois dessus, les White Watchers avec ses poings. Il peut bien se les... Pour être en forme, faut faire du sport. Ben moi ça m'a filé les crocs. Et au bout de 3 quarts d'heure d'effort, j'avais vidé tout mon frigo. J'ai bouffé ce qu'il y avait de plus gras. J'ai bu l'huile de nouveau goulot. J'ai même fourré du chocolat dans les saucisses de Morteau. La tartine de cholestérol, eh ben ça m'a réchauffé le cœur. Et au bout de 3 litres de gnôle, je me prenais pour Claudia Choufleur. Et j'ai dragué le poissonnier qu'à l'habitude des morues. Mes rondeurs, il les a kiffés. Comme quoi y'en a j'ai perdu des calories en faisant l'amour comme une bombasse. Et quand on est sorti du lit, on s'est coiffré comme des voraces. Et on a picolé du vin en fumant des tarlus, en se disant qu'on était bien. Vive le gras et vive le cul. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes, alors qu'au temps de la guillotine, fallait que les femmes soient rondelettes. Mais enfin, voyons. Faudrait savoir. De leurs ancêtres africains, les Jamaïcains ont gardé le goût des contes populaires, de la musique et des croyances religieuses. Ceci explique pourquoi près d'une centaine de cultes différents sont pratiqués sur l'île. Alors, très superstitieux, ils croient aux esprits. Et pour s'en prémunir, ils mettent en œuvre toutes sortes de stratagèmes, comme celui de placer les couverts en croix, et d'une Bible près des chevets des bébés pour préserver leur sommeil. Ah, nombreux sont les guérisseurs également. Alors, on n'en manque pas. Et puis, en Jamaïque, on découvrira la toupie, un jeu qui n'a rien d'enfantin. On joue à la toupie en équipe, tout en sachant que la toupie peut peser jusqu'à 7 kilos. Les Jamaïcains ont acquis une renommée internationale pour la beauté de leur peinture et de leur sculpture sur bois. Les vêtements aux imprimés originaux et très colorés les épices, le clafé de Blue Mountain, les confitures de fruits exotiques, les sauces et les marinades, le rhum, les cigares sont autant de souvenirs à ramener et puis surtout à ne pas oublier les CD de reggae. En tout cas, un bon conseil, dans tous les cas, pour tous les achats, le marchandage est de rigueur. Allez, Reggae Night, Jimmy Cliff. Et nous allons finir cette promenade en chanson autour des ingrédients utilisés dans les sauces de salade. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Tout simplement parce que je souhaitais vous passer ce disque de Réglisse, mais de l'huile. Et nous avons laissé le soin au groupe Réglisse de conclure cette émission. Alors Réglisse, un jeu de mots entre reggae, glisse et réglisse. Ben, c'est un groupe languedocien. Le titre « Mets de l'huile » fut un des plus grands succès des années 93 et 94 en France. Et il se classa 32 semaines dans le hit-parade et classé deux fois à la première place. Le groupe a même fait l'objet d'une victoire aux Victoires de la musique. Voilà, « Mets de l'huile », Réglisse. On the road the other day, I hear a little human say, I'm walking on the road the other day, I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae, tu es langue d'océan et comme tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae, tu es langue d'océan et comme tu chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme, dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Walking on the road another day, I hear another human say. I'm walking on the road another day, I hear another human say. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae, ta chanson on comprend rien quand tu la chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 28. Il me reste à remercier Yves pour la réalisation technique, Kazé, elle a tenu toute l'émission, elle a tenu les manettes de l'émission, ça s'est bien passé. Ben oui, je demande à Yves, il me fait signe, oui, oui, c'est bien, très bien. 8h30, c'est le bon âge pour commencer à apprendre la technique. Et puis je vous remercie également les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous savez que vous pouvez durant toute la semaine retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Paget, Nancy. Le prochain patchwork, ben c'est dans 15 jours, et dimanche prochain, nous vous espérons fidèles à la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Paget Nancy, 94.2, ça c'est pour les Lorrains, et pour les autres Européens sur le net, paget.net, en ligne. Allez, au revoir.